Donne-moi mes papiers. Donne-moi mes papiers. Pas la peine de presser, je vais quand même rester. Je suis l'exemple type que la différence existe. On est pas tous les mêmes. Je m'explique, tu trouves que t'es le même que Guy Carlier. Ben je prendrai pas l'avion avec toi. Yeah, des mariages arrangés, mes guettes en scred. L'armée, les skins attendent mon retour. Mais j'ai pas besoin de ça, pas de old guy. L'a promis de réaliser mes fantasmes, mais je branche pas. What? Non mais non non, c'est presque irréel. J'ai des potes pakistanais, des albums qui sortent en Israël. Waouh, origine trop variée, on mélange trop de couleurs. Sans linge et de Ariel, je vais voir un pote turc goûter de la rissa. Il me dit que les Rita leur ont carotte la pizza. Ça se passera pas comme ça. Attends, yo, Flo Kazak, je rampe un couteau entre les dents. Oh, seulement si tu savais comment je me sens bien chez toi. Donne-moi mes papiers. Oh, donne-moi mes papiers. Oh, seulement si tu savais comment je me sens bien chez toi. Étranger ou accès bon, juste un gars d'ailleurs. Каленька, маленька моя, зато я года росла водка. Я Russian money, я Russian money. Des roubles tu parles, putain ça vaut que dalle. Money, money, money, en costard et sandales. Va rouler en Lada, pas dans, y'a pas de mal. Je rappe à deux à l'heure, j'ai le flow de Pays-Bas. C'est bizarre mais c'est ici qu'on devient nationaliste. Paradoxe car c'est nous qu'on est blagues les plus racistes. Et asiates, je développe mon karma. J'ai la dalle, je veux une shawarma. Étranger de nos jours paraît banal. Bah faut que le Kamas outrage, apprends le code pénal. Flow somalien, tellement j'ai les crocs. Flow bridé, je vois même pas le micro. Oh, seulement si tu savais comment je me sens bien chez toi. Donne-moi mes papiers. Oh, donne-moi mes papiers. Oh, seulement si tu savais comment je me sens bien chez toi. Étranger ou accès bon, mais juste un gars d'ailleurs. En écoutant cette chanson, vous vous engagez à donner une signature qui me permettra de rester en France. Yeah. Oh, seulement si tu savais comment je me sens bien chez toi. Donne-moi les papiers, pas la peine de presser, je vais quand même rester. Oh, seulement si tu savais comment je me sens bien chez toi. Étranger ou accès bon, et juste un gars de vie. Oh, Marianne, qu'est-ce t'en dis? Sois ma femme, appelle-moi Dani. Oh Marianne, c'est le long vin. Sois ma femme, Marianne quand je suis nova. Alors, donnez papier. Allez, donnez papier. Allez. Non, pas compris.